Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Loué tout à Sifioué. Je vous salue tous dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est merveilleux. Vraiment, il nous a fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Et il nous a accordé une bonne santé. C'est pourquoi il mérite d'être loué. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et je vous transmets aussi les salutations de notre bien-aimé Frère Mbumba de Fungurume. Il vous a salué dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vois la salle pleine. Leo, minaona chumba inayala. Au courant de la semaine, Kadiri ya Juma, Dieu nous avait bénis. Mungu alitubariki. On avait parlé. Tulisemea. Il te manque une chose. Unakukosa kitu moja. Ce qu'on a parlé le mardi, mercredi, jeudi. Il te manque une chose. C'était le Seigneur Jésus qui avait causé avec le jeune homme riche. Il avait posé la question, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est dans Marc chapitre 10, à partir du verset 17 jusqu'au verset 22. C'est là où on avait lu. Alors, sasa, Jésus lui avait dit, Yesu akamonesha, tu connais le commandement? Et le jeune homme a répondu. Et tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus l'a aimé, du moins. Et il a dit, néanmoins, il te manque une chose. Et si nous sommes arrivés ici, c'est pour le même dossier. Nous avons besoin de la vie éternelle. Alors, que chacun puisse s'examiner pour voir s'il lui manque quelque chose. Et la chose que le jeune homme riche demandait, c'était la vie éternelle. Mais si nous lisons là plus loin, le jeune homme est rentré d'ici. Parce que Jésus lui a dit, prends tout ce que tu as, vends-les, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Mais lui, vraiment, il était rentré triste. Et il a manqué la chose. Alors, on a dit que ça ne soit pas de même pour nous. Amen. Amen. Parce que quand Jésus était là, devant lui, la vie éternelle était là. L'enlèvement était là. Le millénium était là. Le festin des noces était devant lui. Et l'éternité était là. Mais dommage. Il est rentré triste. Et la Bible nous enseigne. Tout celui qui est allé devant le Seigneur Jésus. Les malades étaient guéris. Les boiteux ont marché. Les aveugles ont vu. Ceux qui avaient faim, ils ont mangé. Et les morts ressuscités. Mais lui est rentré triste. Il avait failli. Et c'est ce qui a fait qu'il puisse aller pleurer dans les séjours des morts. Amen. Amen. Que ça ne soit pas ainsi pour toi et pour moi. Amen. Amen. Et pour gagner le temps, la Bible nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Mettons-nous debout pour lire Nous sommes dans la Genèse, au chapitre 3. Nous commençons au verset 1er jusqu'au verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent de ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Amen. Amen. Tendre Père Céleste, merci Seigneur pour ton amour, ta bonté que tu nous as aimés. Merci pour le souffle de vie, la force et la santé que tu nous as accordée ce matin, qui a permis de nous réveiller. Nous étions tendus sur nos lits comme des moribonds, mais tu as pris plaisir de nous communiquer le souffle de vie qui a fait que nous puissions marcher jusqu'à arriver ici. Que ton nom soit loué. Pardonne nos péchés. Regarde-nous sous ton sang. Après avoir chanté pour ton honneur, nous venons de lire cette portion d'écriture. Descends pour l'interpréter, pour que ceci puisse nous donner la vie. Merci Seigneur. Bénis le culte ce matin. À travers le monde entier. Partout où tes enfants se réunissent ce matin. Manifeste ta présence. Accorde la guérison, la délivrance et la vie éternelle. Merci Seigneur de gloire. Débute avec nous comme Alpha Alpha, et termine avec nous comme l'oméga. Du début à la fin. Mwanzo hadi mwisho. L'acteur principal. Wewe uko mwenye mambo yote. Que chacun de nous puisse sentir ta présence. Na kila mmoja wetu aone uwepo wako. Nous sommes venus devant toi. Tunakuwa mbele yako. Tous ceux qui sont venus devant toi. Wale wote walikuwa mbele yako. Ils étaient guéris. Waliponywa. Ceux qui avaient des problèmes. Wale walikuwa nakaa na mambo. Ont trouvé la solution. Walipata kujibu. Parce que tu es la solution de nos problèmes. Ce qui était malade était guéri. Si tu l'as fait à ce temps-là, fais-le aussi de même pour nous aujourd'hui. Car la Bible nous apprend que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé. Ta parole n'a pas changé. Merci Seigneur. Parle-nous du haut des cieux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous puissions nous asseoir. Nous continuons avec notre sujet qu'on a commencé le vendredi. Où es-tu? Alléluia. Amen. Où es-tu? C'était Dieu qui appelait Adam au jardin d'Éden. On a dit, Dieu descendait chaque matin, chaque soir pour venir exhorter son église, pour venir visiter ses enfants. Donc, il y avait un endroit où ils se rencontraient. C'était un lieu de rendez-vous. Alors quand Jésus est descendu, il a regardé, il n'y avait personne. Ils étaient dispersés. Il n'y avait personne. Et il a commencé à appeler. Adam. Où es-tu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est vers le soir, la voix a retenti. Et nous vivons autant d'histoires. C'est la même chose. La même voix qui a retenti au jardin d'Eden. Ça retentit encore pour ramener ses enfants dans sa présence. Alléluia. Amen. Il est écrit, mais on dit quoi? Au temps du soir, wakati ya mangaribi, la lumière paraîtra. Nuri taonekanaka. Au jour de la voix du septième ange, siku ya sauti ya malaika wa saba, que il sonnerait de la trompette. Wakati atalisha kwa parapanda yake, et dans la Bible, na mubiblia, la trompette parapanda, a toujours été la voix de Dieu. Inekalaka kila mara, sauti ya Mungu. Ah, c'est Dieu qui appelle ses enfants. Ni Mungu anaita watoto yake. Au travers de cette parole, kupitia ineno, Dieu nous appelle. Mungu anatuita. C'est ce qui a fait que nous puissions nous retrouver ici. Mais ce que nous devons savoir, quand Dieu a appelé Adam, au verset 10, il est dit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis ni. Je me suis caché. Tu vois, naona, j'ai eu peur parce que je suis ni, je me suis caché. Bien mes frères et sœurs, le péché Zambi nous éloigne de la présence de Dieu. Dieu n'a pas de communion avec Mungu, un péché. Ana na ushiriki na Zambi. Dieu n'aime pas le péché. Mungu apendake Zambi. Dieu est saint. Mungu ni mtakatifu. Et que celui qui l'adore doit aussi être saint. C'est pourquoi il a envoyé la parole pour nous sanctifier afin que nous ayons l'accès de marcher avec lui, d'être dans sa présence. Il a dit, je suis ni. Niko utupu. Et si nous allons dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, nous prenons le verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Alléluia. Amen. Dieu a fait l'inventaire de l'âge de l'Odyssée. Il y a tout un tas de qualifications là-bas. L'Odyssée aveugle. L'Odyssée nue. Amen. Amen. Et Dieu donne le vêtement blanc. Amen. Amen. Donc Adam était nu. Et à cause de la nudité, il s'est caché. Mais Dieu a dit, venez. Et la Bible dit, il a fait des habits, il a couvert Adam, et il a couvert Ève. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même chose dans cet âge. L'âge de l'Odyssée, aveugle et nu. Et Dieu ne pouvait pas nous laisser comme ça. Amen. Amen. Si nous allons dans dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19. Nous prenons le verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pire, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. Vous voyez maintenant, vous voyez maintenant l'épouse à la dernière minute. Amen. Amen. Mais bien aimé, il y a toute une procédure pour arriver ici à Apocalypse 19. Il faut passer par une procédure. Amen. Amen. Amen. Amen. Là, il est dit, son épouse se prépare. Donc, il fallait une préparation pour être revêtu du fin lin. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est ce que nous allons voir. Comment est-ce que Dieu a procédé? Amen. Amen. Dans la Bible, Biblia, nous avons un père de la foi baba moja wa imani, comme le modèle. Sawa mfano kwetu. Notre père Abraham. Baba yetu Ibrahim. Alléluia. Amen. Nous lisons la postérité d'Abraham. Maubiri uzao ya Ibrahim. Paragraphe 25. Nous prenons juste la dernière partie. Dieu a appelé Abraham, Mungu alimuita Ibrahim, à se séparer de sa famille, de tout ce qu'il avait, na biote bila alikuwa nayo, afin qu'il puisse marcher avec Dieu. Apate kutembea pamoja na Mungu. Et il lui a donné un pays étranger. Il en est de même de chaque pécheur. Quand il est sauvé, il entre dans un pays étranger, parmi un peuple étranger. Dieu exige cela. Dieu exige une séparation. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Vous voyez? Naona. Donc cette écriture, ça s'accomplit noir sur blanc wazi dans la famille chrétienne. Amen. Amen. Amen. Amen. Prenons par exemple. Moi, c'est la première fois que je suis arrivé au Katanga. C'est seulement quand on était à l'école. On a étudié le Kambov. Kambov. Il y a Kolwezi. Mais Lakini, physiquement, c'est la première fois que je suis. Mais quand je suis avec les bien-aimés, mais non, Apana. C'est comme si sa, nous sommes nés de la même famille. Moja. Pourquoi Juanini. Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Nous étions ensemble là dans l'éternité. Alléluia. Amen. Ah. Maintenant, Sasa. Nous devenons la famille chrétienne. Le peuple de Dieu. Alors, Sasa. Avant de continuer, nous allons lire encore quelque chose ici. Dans la lettre circulaire 2009. Nous sommes à la page 10. Nous sommes juste au milieu. C'est l'appel final que doivent suivre tous ceux qui appartiennent à l'église épouse avant le retour de l'époux. Amen. Amen. Quand Adam était dans le péché, Adam, Dieu l'a appelé. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Suivez très bien. Si vous lisez dans Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 2, au verset 1er, nous étions morts dans nos péchés et nos offenses. Tu vois, la Bible dit, quelqu'un qui n'a pas Christ, c'est un homme, c'est quelqu'un qui est mort, quoi que vivant. Et la Bible dit, nous tous, nous étions morts, mais Dieu nous a appelés. Amen. Amen. Donc ici, c'est un problème d'appel. Amen. Amen. Dieu nous a appelés. Et il dit, c'est l'appel final que doivent suivre tout ceux qui appartiennent à l'église épouse. Ceux qui appartiennent à l'église épouse avant le retour de l'époux. L'appel à sortir et la séparation sont suivis de la pleine restauration. C'est de cette manière qu'à la fin, toutes choses reviennent à leur état original. Comme au commencement de l'église du Nouveau Testament. Amen. Vous voyez qu'il y a un appel. Adam, Adam, où es-tu? Adam, Adam, où es-tu? Frère, il y a un lieu de rendez-vous. Et la Bible dit, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. C'est les disciples qui avaient posé la question au Seigneur. Luc 17, verset 37. Seigneur, mais où sera ce Seigneur? Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Et le prophète a interprété. Un aigle, c'est quelqu'un qui se nourrit avec une viande fraîche. L'aigle, avant de manger la viande, il faut qu'il voit d'abord le sang. Amen. Et l'évangile que nous avons reçu dans ce temps de la fête, c'est un évangile du sang. Nous suivons ce sang-là du Seigneur Jésus-Christ. Nous, quand on ne voit pas le sang, on ne peut pas manger. Amen. Amen. Nous voulons l'évangile du commencement. L'évangile qui est prêché par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc il y a un appel. Dieu est en train d'appeler ses enfants. Comme je dis, il y a une procédure pour atteindre les niveaux de l'église selon que Dieu, Jean l'a vu dans l'Apocalypse chapitre 19. Amen. Amen. Donc, il y a toute une procédure. Et c'est ce que nous allons voir au travers de notre père Abraham. Amen. Amen. Nous lisons dans Genèse chapitre 12. Nous commençons au verset 1 jusqu'au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Il dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie yako, et de la maison de ton na, père. Abraham était où? Ibrahim à Mésopotamie. Mésopotamie. Amen. Amen. Amen. Amen. Suivez très bien. Fate, ne soyez pas distraits. Nous allons lire quelque chose ici. La prédication, les 5 identifications précises de la vraie église du Dieu vivant. Maubiri, vitambulisho tano ya kanisa ya kweli ya Mungu mwenye kuwa hai. Paragraphe 28. Nukta makumi mbili na munane. Je veux que vous sachiez que... Non. C'est paragraphe, c'est le paragraphe 14. Samani, ni nukta kumi na ine. Maintenant, pour commencer, kwanja, le mot église lui-même signifie les appeler à sortir. Kanisa, manayake, wenye kuitwa kutoka. Maintenant, aussi longtemps qu'Israël était en Égypte, Israël n'était pas l'église de Dieu. Israël akwate kanisa la Mungu. Il était le peuple de Dieu. Mais ce n'était pas une église. Et quand Dieu le fit sortir de l'Égypte, il devint l'église de Dieu. Amen. Amen. Quand Israël était en Égypte, ce n'était pas l'église de Dieu. Pourquoi? Non. Apana. Israël adorait Pharaon. Ah, Israël n'était pas dans l'adoration originale. Israël ne faisait pas la volonté de Dieu. Parce qu'il était à l'étranger. Il était sous les ordres de Pharaon. Donc ce n'était pas une église. Néanmoins, ils étaient le peuple de Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Alors, ils devinrent l'église de Dieu quand ils étaient appelés à sortir. Maintenant, c'est encore pareil aujourd'hui. Le mot église signifie les appeler à sortir. Ceux qui ont été appelés à sortir, ceux qui sont séparés et rendus différents. Dans l'Ancien Testament, ce qui était connu comme étant l'Église était appelé le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. L'Église était appelée royaume de Dieu. En d'autres termes, Dieu est le roi. Et l'Église est son domaine. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, elle est appelée l'Empire messianique. Oh, j'aime cela. L'Empire messianique. Là où le Messie gouverne et règne. L'Église, c'est le peuple de Dieu qui a été appelé à sortir du monde pour servir dans un autre royaume. Vous voyez, c'est ça la signification de l'Église. Que les gens du monde ne comprennent pas. Amen. Amen. Amen. Amen. Vous voyez, Abraham était en Mésopotamie avec son père dans le pays des Chaldéens, juste dans la ville d'Ur. Maintenant, ce bonhomme me dit, la Mésopotamie, d'un bout à l'autre, il n'y avait que l'idolâtrie. Personne n'adorait Dieu. Personne ne connaissait Dieu. Elle adorait personne. Maintenant Dieu regarde. Ah, moi j'ai créé l'homme pour m'adorer. Parce que le nom de Dieu signifie un objet d'adoration. Mais maintenant tout ce monde, aucune personne qui invoque mon nom. Non. Non. Non. Toute la gloire te tourne vers Satan. Alors, ça. Dieu a dit, non, je dois faire sortir mon fils. Au travers de lui, j'aurai une postérité qui vont commencer à me servir. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu a appelé Abraham. Amen. Amen. Nous lisons encore quelque chose que le frère Abraham dit ici. Dans la prédication, la postérité d'Abraham. Paragraphe 23. Considérez Abraham. Il était un homme ordinaire qui était venu de la tour de Babel avec son père. Et ils se sont établis là, dans le pays de Chinéa, juste dans la ville d'Ur. C'est juste un homme ordinaire. Mais Dieu vit quelque chose en lui. Et il l'appela. Dieu a vu la même chose dans chaque homme et femme né de nouveau ici. Amen. Amen. Amen. Amen. Dieu a vu la même chose dans chaque homme et chaque femme. C'est pourquoi il nous a appelés. Maintenant, suivez. Dieu a appelé Abraham de sortir de son pays. Va-t'en de ton pays. Abraham, va-t'en de ton Abraham pays. Pourquoi il devait quitter? On a dit la Mésopotamie, d'un bout à l'autre, c'était l'idolâtrie. Va-t'en de ton pays. Nous lisons les prophètes. La prédication, Dieu est identifié par ses caractéristiques. Paragraphe 11. Il existe un esprit national. Il existe un esprit de la nation. Chaque nation, quand vous arrivez là-bas, vous verrez qu'il y a un esprit différent. Je suis allé en Finlande. Ce sont des braves gens. Mais néanmoins, il y avait là un esprit finlandais. Je suis allé en Allemagne. Ce sont des braves gens. Mais il existait là un esprit allemand. Paragraphe 12. Il n'y a pas longtemps, je me rendais avec mon épouse à un petit supermarché. Là, à l'Indiana, pour y acheter la nourriture. Je dis, regarde-moi ça. Regarde cette femme. C'est étonnant. Cette femme porte une robe. Alors que les restes d'entre elles portaient des vêtements impraticables. Qui ne convient pas à une femme de porter. Je dis, eh bien, c'est donc là l'esprit américain. C'est ça l'esprit américain. Voyez l'esprit de l'Amérique. Eh bien, l'Amérique est censée être une nation chrétienne. Mais l'esprit de cette nation n'est pas chrétien. Non. Paragraphe 14. Eh bien, la femme a dit, ne sommes-nous pas américains? Chérie, j'ai dit, non, nous vivons ici, c'est notre pays, nous restons ici. Nous l'aimons. C'est la meilleure nation au monde. Mais toutefois, nous ne sommes pas des Américains. Je dis, nous sommes nés d'en haut. Le Saint-Esprit est descendu à nous. Et nous appartenons à un autre royaume. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous appartenons à un autre royaume. Quel est ce royaume? Le royaume messianique qu'on a lu ici. Le royaume messianique. Il continue. J'ai dit, c'est la raison pour laquelle nos sœurs portent de longues robes, de longues jupes, de longs cheveux, elles ne mettent pas de maquillage. Voyez, leurs caractéristiques les identifient comme étant des saints qui sert le Seigneur. Vous voyez? Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki dada. Amen. Amen. Amen. Amen. Frère Branham me dit, anasema, nous ne sommes pas des Américains. Si, atuna batu, America. Non, apana, non. Apana. Nous sommes nés d'en haut. Le Saint-Esprit est descendu en nous. Et nous appartenons à un autre royaume. Et c'est le royaume messianique. Bien aimé, chaque nation a un esprit. Il y a un esprit congolais. Il y a un esprit rwandais. Il y a un esprit angolais. Alléluia. Amen. Sortez de cet esprit. Amen. Amen. Amen. Amen. Sortez de cet esprit. Cet esprit a la façon dont il anime les gens. Et cet esprit qui n'est pas, qui est contraire au Saint-Esprit, ne vous amènera pas à la sanctification. C'est pourquoi nous devons sortir de cet esprit. C'est pourquoi nous devons abandonner tout ce qui est de ce monde. Jésus a dit, n'aimez pas le monde et tout ce qui est du monde. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Amen. Amen. Amen. Abraham, Ibrahim, va-t'en de ton pays. Dieu a vu que si Abraham restait ici, il n'y aura pas de bon. Effectivement, c'est ça, frère. Si vous voyez la lignée, parce qu'ils étaient tous à Babel. Babel. Et quand ils sont sortis, il vient à Chinéa. Et à partir de là, il y avait maintenant des directions. Il y a une flèche qui continue. Et il y a une flèche qui avait pris une autre direction. C'est Abraham qui était sorti. Et par ce flèche, Dieu a suscité une postérité. C'est pourquoi, pour marcher avec Dieu, vous devez quitter la Mésopotamie. Voyez un peu. Quand Abraham a quitté la Mésopotamie, c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à marcher avec lui. Et Dieu pouvait le visiter. Dieu n'a jamais visité Abraham quand il était à Mésopotamie. Dieu n'a jamais béni Abraham quand il était à Mésopotamie. Dieu ne bénira pas un chrétien tant qu'il est encore dans le monde. Amen. Amen. Amen. Amen. Sortez Tokeni de la Mésopotamie. Mésopotamie. Sortez Tokeni de l'esprit congolais. Jésus-Christ ne viendra pas enlever les Congolais. Jésus vient enlever les Congolais nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen. Amen. Les Congolais qui sont sortis de l'esprit congolais. Amen. Amen. C'est l'unique solution. Si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux être béni, si tu veux être l'ami, vous savez ce que Jésus avait dit aux disciples, je ne vous appellerai, vous appellerai plus serviteurs, mais vous serez mes amis, compagnons de route. Alléluia. Amen. Où es-tu? Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma sœur? Est-ce que tu es réellement sorti de la Mésopotamie? Parce qu'en Mésopotamie, il y avait une vie. C'était l'idolâtrie. Or que la Bible dit, fuyez l'idolâtrie. Les idolâtres n'hériteront point le royaume des cieux. Et vraiment, l'idolâtrie, c'est pas seulement d'aller s'agenouiller devant une statue. Amen. C'est pas seulement de baiser une statue. La chose que tu mets à la première place en dehors de la parole de Dieu, c'est ça votre idole. Amen. Amen. Amen. Amen. Ah. Bio. L'adultère, c'est l'idolatrie. Le mensonge, c'est l'idolatrie. Tout ce qui est péché, c'est l'idolatrie. Et Dieu a dit, sors. Va-t'en de ton pays. Amen. Amen. Quand vous menez une vie désordonnée, vous êtes encore à Mésopotamie. Amen. Amen. Vous êtes là dans le tiraillement. Dans l'empire messianique, cet esprit de tiraillement n'existe pas. Dans l'empire messianique, c'est comme on avait dit le vendredi, C'est comme Noé, ses enfants et les animaux qui étaient dans l'arche. Amen. La Bible dit, nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans les lieux célestes. En Christ. Et frère Abraham dit, les lieux célestes, c'est la position d'un chrétien vis-à-vis de Christ. Vous voyez? Donc aujourd'hui, le zélite, le chrétien, le chrétien biblique sont assis dans le lieu céleste. Les chrétiens bibliques sont au repos. Amen. Amen. Le chrétien sont sortis du monde. Les chrétiens sont sortis de la Mésopotamie pour prendre part dans le royaume, l'empire messianique. Amen. Amen. Donc chaque nation a un esprit. Amen. Amen. Ça, c'était le premier point. Adam, va-t'en de ton pays. Ibrahim, il n'y avait pas une autre solution. Abraham pouvait dire, Ibrahim, non Seigneur, je vais faire mon église à côté ici. Il a dit, va-t'en de ton pays. Amen. Amen. C'était la solution. Il et Abraham a abandonné. Ibrahim, Amen. Amen. Deuxième point. Abraham. Ibrahim, va-t'en de ta patrie. Abraham. Ibrahim, devait quitter sa patrie. Et la patrie ici. La taïfa, nous voyons. Tunaona, la tribu. Kabila, ou bien les clans là. Kabila, ah, nous lisons les prophètes. Lisons ce que le prophète dit. Christ est le mystère de Dieu révélé. 28 juillet 1963. Paragraphe 83. Ne formez jamais de clans parmi vous. Ne faites pas ça. N'ayez pas un esprit de clan. Donc chaque clan, chaque tribu a un esprit. Chaque tribu a un esprit. Frère, ça c'est la vérité. Chaque tribu a un esprit. Et Dieu a dit, Abraham, va-t'en de ta patrie. Donc, les sortez de l'esprit tribal. Si vous voulez marcher avec Dieu, si vous voulez être dans les camps des saints, ne soyez pas animé de l'esprit tribal. Ne faites pas des choses à parti pris. J'ai oublié cette brochure. Oublié. La preuve de sa résurrection. Frère Branham dit, ne faites pas les choses à parti pris. C'est-à-dire que quand vous voyez un frère a comme lui est costaud, à lui est ceci, à vous faites les choses différemment. Vous les recevez avec beaucoup d'honneur. Tu vas manquer la bénédiction. Amen. Amen. Tu vas manquer la bénédiction. Frère Branham dit, traitez tout le monde au même pied d'égalité. Jésus-Christ ne viendra pas enlever une tribu. Non. Apana. Il dit ici, nous sommes de la tribu de Dieu. Kabila ya Mungu. Lisons ça dans la prédication. L'unité. Umoja. Ou l'unité avec Dieu. Umoja pamoja na Mungu. Paragraphe 20. Nukta makumi mbili. Eh bien, Ivi basi. Voyez-vous, eti munaona, Voyez-vous cette glorieuse image? Dans la chair, nous sommes différents. Nous sommes comme un sous-produit. Un être formé par le lien sacré du mariage. Mais en esprit, nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes à l'image parfaite de Dieu, du Dieu vivant. Car nous sommes fils et filles. Non pas séparés, mais le même esprit. Le même Dieu. La même personne unie par le lien du mariage à l'éternel. Voyez-vous comment Dieu a planifié ce que nous devons être? Non pas quelqu'un de différent. Non pas une autre personne ici d'une autre tribu. Mais ici de la vraie union et une vraie descendance du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Nous sommes ici de la même tribu. La descendance du Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi on ne doit pas faire les choses à parti pris. Amen. Amen. Donc, traiter tout le monde au même pied d'égalité. Jésus a dit, ce jour-là, je dirais, j'étais malade, tu ne m'as pas visité. J'étais étranger, tu ne m'as pas logé. J'avais manqué des habits, des souliers, tu ne m'as pas vêtu. J'ai eu faim, tu ne m'as pas donné à manger. Ah, maître, quand est-ce que tu as eu faim? Et je n'ai pas voulu te donner à manger. Non, ce n'est pas toi, maître. Jésus dit, toutes les fois que vous avez fait ça à l'un de ces petits enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. Bouche bée. Il dit encore, j'étais étranger, tu m'as allogé. J'avais manqué les habits, tu m'as habillé. J'avais faim, tu m'as nourri. Seigneur, quand est-ce que tu étais étranger et moi j'étais logé? C'est où c'est? Quand est-ce que tu as manqué les habits? Toutes les fois que vous avez fait ça à l'un de ces petits enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. Et maintenant, entrez dans le royaume de Dieu. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Frère! Quand vous donnez quelque chose au frère, n'importe qui, ne regardez pas le frère, ne regardez pas la sœur, mais derrière, il y a Jésus-Christ. Amen. Amen. Derrière la sœur, derrière le frère, qu'il soit gros, qu'il soit mince, qu'il soit géant, Jésus est derrière. Amen. Amen. Ne courez pas le risque de manquer la bénédiction. Amen. Amen. Pourquoi? Nous sommes dans l'empire messianique. Il n'y a pas l'injustice. Hakuna uzalimu. Écoutez ce que le prophète dit. Dans la prédication. Maubiri. Ne c'est pas moi qui t'envoie. Du 24 janvier 62. Yeah, le 24 janvier 1962. Paragraphe 5. Et vous savez, mes bien-aimés, wapendwa, frères et sœurs, j'aime ça. Je pense que nous nous familiarisons davantage ici-bas. Nazani. Comme nous aurons à passer l'éternité ensemble, nous ferons donc tout aussi mieux de nous familiariser ici-bas et de savoir ce que c'est. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc, au moment où nous sommes ici, wakati, c'est maintenant qu'on doit savoir, bien-aimé, mon frère, ma sœur, nous allons passer l'éternité ensemble. Mais si ici, vous commencez à vous tirailler, c'est vrai. Ces histoires-là au ciel, ça n'existe pas. Amen. Amen. Quand vous vous tiraillez encore, vous êtes encore en Mésopotamie. Vous n'êtes pas encore sorti. Amen. Amen. Amen. Amen. Pendant que nous sommes ici, frère, nous devons nous familiariser. Pourquoi? Nous allons passer l'éternité ensemble. Ça doit d'abord commencer ici. C'est pas que ici, avec l'hypocrisie, tu vas aller calomnier ton frère. Ah, tu es un égoïste. Tu vois ta sœur. Tu vois ton frère. Il n'a pas de possibilité. Et toi, la main, la valise est plein. Il y a même de ces pièces qu'on n'a pas encore coupées. Et tu vois ta sœur. Chaque fois à l'église, la même paille. Frère, ma sœur, c'est maintenant. Frère Branham dit, la vie que vous menez montre en ce temps-là de quel côté tu serais. Amen. Amen. Pourquoi? L'esprit qui t'anime, c'est cet esprit-là qui a animé ces gens-là. Amen. Amen. Amen. Amen. Tu peux te prétendre. Non, moi j'écris les messages du temps de la fin. Moi je suis ceci. C'est bien. Mais, comme j'avais dit la fois passée, ce message a des œuvres. Amen. Ce message a une vie. Amen. Ce message a une vision. Amen. Ce message a un langage. Ce message a un entendement. Amen. Amen. Amen. Ce message a des voix. Frère Branham dit, tes voix que tu suis, Dieu te jugera au dernier jour. Dieu a dit, mes voix ne sont pas vos voix. Et nous suivons les voix du Seigneur. Pourquoi? La Bible dit, il y aura un chemin tracé. Amen. Amen. Lisons ça. Puis sommes. Je crois que c'est Esaïe 35, je crois bien. Isaïe m'a commis à ton attente. Esaïe 35. Isaïe m'a commis à ton attente. Paragraphe 8. Mustara Munani. Il y aura là un chemin tracé. Une route qu'on appellera la voie sainte. Amen. Amen. Ni l'empire n'y passera. Oh, ni l'empire. Dans cette voie, la voie sainte. Pas d'empire. Pas d'empire. Elle ne sera point. Elle sera pour un seul. C'est-à-dire le saint. Nous continuons. Sur cette route, point de lion, nul bête féroce ne la prendra, nul ni s'y rencontrera. Les deux livrés y marcheront. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Dans cette voie, frère, les deux livrés. Alléluia! Amen. Le peuple de Dieu, ce sont des gens délivrés. C'est pourquoi, comme j'avais dit, il n'y a pas de demi-chrétien. Tantôt, kipande, tu mènes une vie pire et tantôt dans les souillés, non, dans ces chemins Mouindia, il n'y a que de délivrer. C'est pourquoi il y a la paix. C'est pourquoi il n'y a pas de tiraillement. Frère, toi tu es délivré. Moi je suis délivré. La sœur est délivrée. D'où viendra les tiraillements? Parce que les tiraillements, ce sont les démons dans le genre qui provoquent toutes ces choses-là. Mais ici, il n'y a que de délivrer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, à partir de maintenant, nous devons comprendre que la sœur est délivrée. Il n'est pas encore délivré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devons voir comment est-ce que nous vivons. Amen. Amen. La Bible dit, la Bible, faites du bien à tous les morts. Mais plus aux frères dans la foi. Amen. Amen. Amen. Plus Zaidi aux frères dans la foi. Cela veut dire quoi? Prenons par exemple, je viens passer les vacances chez le pasteur. J'arrive là. Dimonegene est là. Son neveu encore est là. Ah, nous sommes là. À la fin, ah, bon, levez. Bon, oui, c'est le temps parce que là, tu vas rentrer à l'école. Surtout que tu fais l'université. Bon, les Minerval, les frais scolaires, la manger, voilà les $500. Le neveu part. Dimonekene est encore là. Ah, Dimonekene, Diazola. Je vis ce que j'aime. Ah, comme le nom même montre que je vis ce que j'aime. Oh non, on doit accomplir la parole de Dieu. Alléluia. Un chrétien, c'est une portion d'écriture qui s'accomplissait. Alléluia. Frère Franck dit, on ne doit pas seulement prêcher la vérité. On ne doit pas seulement parler de la vérité, mais nous devons vivre la vérité. Amen. Bon, bien-aimé, dit Morekene, maintenant préparez-vous. Demain, on va aller te laisser à l'Ikasi. Il entre dans la chambre, il prend l'enveloppe. Prenez. Combien? Il a donné au neveu combien? $500. Maintenant, c'est du Monekene, Diazola. Bien aimé, je t'aime beaucoup. Au moins aussi, je t'aime. Il faut être là où nous vivons dans la maison. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé. Alléluia. Du Monekene, voilà l'enveloppe. Je regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 550. Alléluia. Cette écriture est accomplie. Donc cette écriture parle de lui. Amen. Amen. Comme j'avais dit la fois passée, le jour de la Pentecôte, une écriture était accomplie. En ce jour-là, j'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions. Les vieillards prophétiseront. Ainsi de suite. Le jour de la Pentecôte, c'était une écriture que Joël a annoncée. Là, dans l'Ancien Testament, Joël 2, verset 28. Mais le jour de la Pentecôte, cela est rendu manifeste. Amen. Amen. Amen. Amen. Acte 2, 38. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont à Kambove. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, cette écriture est rendue manifeste. Maintenant, ça dépend de toi. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? C'est une promesse. Un chrétien, c'est une portion d'écriture qui s'accomplit, qui sera manifeste. Amen. Amen. Amen. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, il te manque une chose. Amen. Amen. Bon, nous continuons. Donc, à partir de maintenant, nous devons nous familiariser. Donc, Donc il y a un esprit tribal. Sortez de cet esprit. Amen. Amen. Troisième point. Va-t'en de la maison de ton père. Ici, le troisième point, nous prenons trois petits A. Donc il y a deux points ici. C'est le troisième point. Donc nous parlons de troisième A. Nous mettons là-bas la maison de l'Éternel. Frère me dit, Abraham a grandi dans la maison de son père et son père était un grand idolâtre. Il avait même un atelier des idoles, des statues, pardon. C'est sûr que c'est Abraham qui gérait tout ça. Donc Abraham a grandi avec l'argent des statues. Je me souviens dans le film qu'on montre. On a présenté Abraham. Il est entré dans l'atelier de son père. Il a commencé à casser les statues. Fâché. Donc il n'était pas d'accord avec ça. Vous voyez, frère. On doit sentir que tu es un chrétien. Amen. Partout où tu es, on doit sentir que tu es un chrétien. C'est ce que Frère Barra me dit. Où que tu vas, tu es toujours un chrétien. Amen. Que ce soit au service, que ce soit à l'école. Surtout les jeunes garçons, les jeunes filles. Que tu sois à l'école, soyez toujours un chrétien. Amen. Amen. En voyage, soyez toujours un chrétien. En service, soyez toujours un chrétien. C'est pas que quand tu viens ici, une sœur vertueuse, un frère vertueux, mais là-bas au service, allez voir. Non, tu dois être chrétien partout. Amen. Tu dois être chrétien. Quand vous venez ici, le jeune les jeunes garçons, tous ceux qui doivent chanter à la chorale, ils doivent être des jeunes filles, des jeunes sœurs qui ont de bons témoignages. Frère Banam dit, je ne crois pas au changement du jour au lendemain. C'est-à-dire, un frère qui vient là dans les dénominations, il joue bien la guitare, vraiment un bon bassiste, ou bien terrible en solo. Maintenant, il croit les messages. Il vient ici, deux jours après, on le voit ici. Non, il doit suivre d'abord la parole de Dieu. Il doit être sanctifié. Le bien de l'église, ce sont des biens consacrés. Amen. Amen. Ce sont des choses qui sont consacrées. Et ça doit être manié par les mains saintes. Amen. C'est comme ça. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, ils portaient des habits. Mais on ne pouvait pas aller coudre ça à la cité. C'est entre eux. Ah, pourquoi? C'est quelque chose qui est sacrifié pour le service divin. Ah, c'est comme ça. Même à la chorale, une jeune fille à la maison désobéissante. Maman donne le programme. Maman, tu feras ceci, tu feras ceci, tu feras ceci. La maman sort. Maman, la sœur rentre. Les choses sont comme au départ. Oh. Et Joseph. Oh, Joseph. Mais la grande sœur n'a pas travaillé. Où est-ce qu'elle est? Oh, dès que tu es sortie, elle aussi, elle était sortie. Avec son sac. Maintenant, là-bas, tu l'as aimé avec la maman. Et tu viens chanter ici. Non, le diacre. Chassez. Non, non, donnez pas cette histoire. La Bible dit, soyez saints dans toute votre conduite. Même soit tu chantes comme un ange. La Bible dit, j'ai vos cantiques. Je hais le bruit de vos flûtes. Solo, bassiste, c'est bien. Ne maniez pas de mains impies. Dieu n'agrée pas ça. Amen. Amen. Ça, c'est l'empire messianique. Et dans l'empire messianique, Dieu nous a fait des sacrificateurs et des rois. Amen. Amen. Dieu a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Maintenant, voyez. Ça, ça toi, tu te tiens devant des rois. Ouais, on a mais non. Apana. Il faut être quelqu'un qui est digne de se présenter devant les rois. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est comme ça. Jovile. Ça, c'est la maison de Dieu. Nous lisons la Bible. Nous sommes dans 1 Timothée. 1 Timothée 1 Timothée chapitre 3. Verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Amen. La colonne est l'appui de la vérité. On a dit la vérité, on doit le vivre. Amen. Amen. Amen. Donc, dans la maison de Dieu, donc, 3 à 1, il y a une conduite. Amen. Amen. Dans la maison de Dieu, il y a une conduite. Quand tu viens ici, sachez bien, il y a une conduite ici. Amen. Amen. Comme on l'a dit, ce message a une conduite. Et tu dois te conformer à la parole de Dieu. Amen. Amen. La maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, l'appui de la vérité. Cette vérité doit faire quelque chose en vous. Amen. Amen. La vérité, c'est un homme. Amen. La vérité, c'est un homme. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et maintenant, cette vérité en vous. Non, tu ne dois pas rester oasis. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en nous? C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est en nous. Non, il faut que la nature du ciel, il faut que la vie du ciel soit manifestée à vous. C'est pourquoi Paul devait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et quand Christ est en vous, nous, tu ne viendras pas déranger les hommes de Dieu. Tu ne viendras pas trouver les diacres. Chaque fois, oh, les diacres, allez voir un peu cette femme. Finalement, ta maison est devenue un tribunal. Hein? Non. Ici, il y a une conduite. Amen. B. C'est-à-dire que point 3, 1, A. Maintenant, c'est B. B. Petit B. Dans la maison de Dieu, il y a de l'ordre. Amen. Dans la maison de Dieu, il y a de l'ordre. Deux Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens. Nous prenons le verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Saint-Esprit. par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Ah, au verset 7, il est dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc, dans la maison de Dieu, il y a de l'ordre. Chaque chose doit être à sa place. Ah! Chaque chose doit être à sa place. Chacun doit être à sa place. Frère Branham me dit, soyez ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Faites ce que Dieu veut que tu fasses. Tu auras la bénédiction. Amen. Prenons par exemple la montre. Ça. Aujourd'hui, on a des montres électroniques, tout ça. Mais les anciennes montres là, mécaniques, avec beaucoup de ferraille. Quand vous ouvrez, vous allez voir une pièce qui fait des mouvements. Une autre pièce. Une autre pièce. Amen. Amen. Amen. Maintenant, toi, tu diras. Ça, ça, ah, moi, je fais comme. Je marche comme le douce. Mais toi, vite, vite. Ça devient un désordre. Amen. Amen. Amen. Il faut qu'il fasse ce mouvement-là. Et l'autre. Pourquoi? Afin que ça donne l'air exact. Amen. Amen. Amen. Amen. S'il ne fait pas ce mouvement-là, l'air ne sera pas là. Amen. Amen. Donc chacun reste à sa place et fait ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Amen. Dans la maison, on a des mobiliers. Par exemple, vous avez les vidéos, le congélateur. Le frère vidéo dit, ah, frère congélateur, moi aussi je dois commencer à refroidir de l'eau. Ça devient un désordre. Amen. Amen. Ça n'ira pas. Frère congélateur, reste à ta place. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. Salam sala na yo. On fait ça que biso maya malili. On fait ça que biso bambisi. Non. Je ne dois pas seulement rester frère congélateur. Je dois faire voir aussi les images. Frère congélateur. Pardon. Ça n'ira pas. Amen. Mon frère. Ma soeur. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. Et quand tu fais la volonté de Dieu, il y aura la bénédiction. Il y aura de l'ordre. Amen. Amen. Toi. Ah, c'est-à-dire que, non, pas toi. On a vu A, B, C. La discipline. Dans la maison de Dieu, il y a la discipline. C'est pourquoi, dans 1 Timothée, il est dit ceci. 1 Timothée. 1 Timothée 5. Nous prenons le verset 20. Ceux qui pêchent. Reprends-les devant tous afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Ah, donc ici, quand tu vas à l'encontre de la parole, on va te corriger. Nous voulons les gens marchent dans la paix. nous voulons des gens qui amènent la tranquillité. C'est pourquoi Paul dit, Philémon, j'ai éprouvé une grande joie, aussi j'ai de ton amour, car par toi, Philémon, le cœur de saint a été tranquillisé. Nous avons besoin de Philémon. Nous avons besoin de Dorcas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a besoin de Dorcas dans la maison de Dieu. Vous savez, Dorcas a bougé toute l'église. Tous les quartiers. Dorcas met les gens au pleuré. Et le sœur, et le frère, et les gens du quartier. Troublé. Pourquoi la sœur Dorcas est morte? Chacun avait son témoignage. Ce que vous voyez ici, c'est la sœur Dorcas. Ce que vous voyez ici, c'est la sœur Dorcas. À tel point que même le ciel a bougé. Le ciel a bougé. Et Dieu n'a pas pu garder silence. Il dit, elle doit ressusciter. Elle doit ressusciter. C'est comme ça dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Bon. Nous terminons avec le petit A. Nous prenons le petit B. On a parlé de la maison de Dieu. Nous parlons de la maison des parents. Alléluia. Amen. Dans chaque maison de parents, chaque parent est pasteur dans son église. Amen. Amen. Amen. Dieu a appelé Abraham de sortir de la maison de son père. Il y avait des désordres. Maintenant, nous sommes dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, le frère, les sœurs, ils ont leur maison. Donc c'est la famille chrétienne. Ce sont les maisons chrétiennes. Et dans chaque maison, le papa est le pasteur dans sa maison. Il faut qu'il y ait une atmosphère spirituelle. Amen. J'avais sauté quelque chose. La maison de Dieu, l'église, chaque église a un esprit. C'est ce que j'ai sauté. Chaque église a un esprit. Amen. Amen. L'esprit de Dieu est différent de l'esprit de l'église. Frère Banam parle de ça dans la même prédication. Dieu est identifié par ses caractéristiques. Paragraphe 10. Paragraphe 10. Chaque église a un esprit. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu là-bas, il y a l'esprit démoniaque. Amen. Prenons par exemple. On peut Branham dire. Est-ce qu'il y a l'esprit de Dieu là-bas? Un démon qui est au service. Amen. N'allez pas là-bas. Amen. Et chaque maison de parents, chaque maison a un esprit. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu, il y a l'esprit démoniaque. C'est pourquoi, bien aimé mes frères, quand vous envoyez les enfants dans les vacances, écoutez frère, quand vous envoyez les enfants en vacances, ne voyez pas que parce que l'oncle a beaucoup de moyens, alors il va supporter le frais scolaire, la rentrée scolaire, et tu envoies l'enfant là-bas. Pendant qu'il y a des esprits, une vie désordonnée, une vie païenne, et tu envoies l'enfant là-bas, vous allez voir, l'enfant va aller ramasser des esprits là-bas qui va déranger et l'enfant et votre maison. C'est pourquoi, frère, faites attention, chaque maison est animée d'un esprit. Quand je prêchais à Kakanda, à la sortie, le frère dit, pasteur, c'est Dieu qui vous a animé. Dieu nous a parlé. Dieu nous a condamné avec la sœur. On a envoyé l'enfant. Au lieu de rester là où il y a la vie chrétienne, on a préféré aller le mettre au petit frère. Et arriver là-bas, malgré le petit frère, un chrétien, mais la sœur, une sœur la catholique, elle a fille était mal à l'aise. Jusqu'à tel point, elle pouvait faire 3 jours sans manger. Mais avant d'aller à l'école, tu vas puiser tant de bidons. Tu vas as amené tant de bidons. L'enfant est venu donner les affaires au frère. Papa, le frère dit, non, tu es une fille de Dieu. Supporte seulement. La fille rentre. Elle a supporté, mais ça ne va pas. Il veut papa, ça ne va pas. Ça ne va pas. Les membres de la famille a dit, ah, mais comment toi tu es allé laisser l'enfant dans cette maison? Vous priez, vous ne savez pas. Quand ils ont entendu la prédication, le même jour, l'enfant en question était là. On est allé avec lui pour lui déplacer. Vous voyez, frère? Donc c'est comme ça. Chaque maison a un esprit. Amen. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu, il y a un démon là-bas. Les maisons ont des secrets. Hein? Alléluia. Amen. Ah. Donc, mon frère, faites, mettez la parole de Dieu en pratique. La maison des parents. La Bible dit, Ephésiens chapitre 5, verset 22. Ah, Marie, aimez vos femmes. Dans la maison chrétienne, il faut qu'il y ait de l'ordre. Non, il faut qu'il y ait l'amour. La sœur doit sentir que oui, je suis chez moi. Parce que quand une jeune fille est encore à ses parents, à la maison de ses parents, elle est à l'étranger. La jeune fille, quand elle est chez elle là-bas, chez papa et maman, elle est à l'étranger. Quand elle vient chez son mari, l'écriture s'accomplit. L'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront un. Amen. Est-ce que toi, avec ton père, tu es un? Non, c'est maman qui est un avec le papa. Donc tu es encore à l'étranger. Alors quand tu viens chez ton mari, tu es maintenant chez toi. Alors, bien-aimé frère, il faut que la sœur sente à l'aise. Elle doit trouver tout très beau et tout très bon. Elle doit être à l'aise. Même s'il y a la crise, mais il faut qu'elle soit en paix. Amen. Amen. Donc c'est comme ça. Nos femmes, nos maisons, ce ne sont pas des tribunaux. Chaque fois, le diacre vient. Chaque fois, le diacre vient. Jusqu'à tel point. Ah, bon, pasteur, on était là. Allez-y. Le pasteur vient. Non, frère. Tu es encore à Mésopotamie. Où es-tu? Ce genre d'esprit, ce genre de vie, ça n'existe pas dans la pire messianique. Alléluia. Amen. Donc, mon frère, il faut mettre la sœur à l'aise. Il faut que la sœur sente que je suis chez moi. Et c'est vice-versa. La Bible dit, femme, soyez soumise. La soumission. Frère Banane dit, la femme servira Dieu convenablement quand elle sert son mari. Amen. Amen. Ce n'est pas que avec les frères ça ne va pas. Et tu viens ici, oh Seigneur, mon Dieu, non, d'abord ton mari. Le mari est ton chef. Comme l'église est, Christ est le chef de l'église. Amen. Donc tu dois être soumise. La soumission. Alléluia. Amen. Donc chaque maison, il faut qu'il y ait une conduite. Il faut aussi qu'il y ait de l'ordre. Il faut qu'il y ait aussi la discipline. Amen. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose. Elohim, avec ses deux anges, ils ont visité Abraham. Arrivé là-bas, Abraham est au Seigneur. Ne passez pas, venez. On va préparer quelque chose pour vous. Elohim vient avec ses deux anges. Il les assoit. Elohim commence à parler avec Abraham. Abraham, où est Sarah ta femme? Abraham dit, il pourrait dire dans son cœur, ah, je savais, dans mon église, j'ai prêché de l'ordre. Seigneur, bon. Elle est dans la tente. Eko, muhema. Elle est là dans la tente Eko, derrière Eko, toi. Kongo, muhema. Frère Bana me dit, Dubra-Manasema. Sarah était à sa place. Alikuwa pa fazi yake. Amen. Amen. Sarah était à sa place. Sarah alikuwa pa fazi yake. Abraham. Ibrahim. Abraham. Ibrahim. Où est Sarah, Sarah ta femme? Sarah, muke wako, Eko wapi? Si c'était Seigneur, depuis qu'elle est allée là-bas à Kasumba, ça fait des semaines. Je ne sais pas pourquoi il est traîné. Abraham devait avoir zéro. Ibrahim, amen. Amen. Amen. Amen. Abraham. Ibrahim. Abraham. Ibrahim. Où est Sarah ta femme? Sarah, ah, Abraham, j'étais le coup d'œil. Jetez le coup d'œil. Abraham, Ibrahim, où est Sarah ta femme? Sarah, donnez la réponse. Frère, Duku. Directement, pale, pale. La bénédiction était là. Baraka, il pale. Comme il y avait de l'ordre dans la maison, Bile, mounyumba, Ibrahim, dans son église, Moulkwa, la bénédiction était là. Baraka, il Sarah a eu un fils, Akapata, mouna, comme nous le savons. Bile, pourquoi? L'obéissance à la parole de Dieu. Kuneno la Mungu. Amen. Amen. Frère Abraham insiste. Abraham, mkazo, la sœur sera sauvée. Dada, ataokolewa, servira Dieu convenablement. Mungu, mzuri, mzuri, quand elle sert wakati, son mari. Bwana yake, pour les sœurs mariées. Bah, amen. Amen. Donc c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre forme. Dans la maison chrétienne, il faut qu'il y ait de l'ordre. Chacun doit être à sa place. Et les enfants, la Bible dit, Ephésiens chapitre 6. Les enfants doivent être soumis, obéissants. C'est pas que des enfants rebelles. Le papa dit ceci, lui dit autre chose. Le papa dit A, lui c'est E. Non, les enfants doivent être soumis, doivent être obéissants, doivent être calmes. Souvent, il y a de ces enfants-là, il vient ici, mais c'est parce que papa vient ici, parce que maman vient ici. Les jeunes frères, les jeunes filles, Dada Binti, écoutez, Muskilize. Et aucun papa à, ta baba moja, à l'enlèvement, il va tenir son enfant. Venez, akuna. Amen. Amen. Les salis est individuels. Écoutez bien, l'enlèvement est prêt. L'enlèvement est proche. Ah! Nous les parents, notre devoir, c'est pour vous faire voir le chemin. Les restes, allez de l'avant. Le salut est individuel. Le jour de l'enlèvement, aucune maman va tenir sa fille. Oh, non. Si la maman part, le papa part, tu vas rester et tu vas pleurer. Tu vas voir. Donc soyez en ordre. Mettez la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. La maison des parents, c'est une maison où il y a l'atmosphère spirituelle. Frère Wana me dit, appliquez les signes dans votre maison. Faites sortir toutes les photos bizarres là. Ah, toutes ces histoires là, impies. Les jets de cartes sont sortis. Il parle de ça dans la prédication, les signes. Tout ce qui est contraire à la parole, faites sortir tout. Amen. Amen. Il y a des frères, vous entrez dans la maison, vous allez voir tout un tas de casiers de prémices, de bières, tout ça. Ah, frère, mais comment, hein? Vous buvez encore la boisson? Non, non, non. Non. Ah, vous savez que nous, avec la boisson, on s'est séparés. Mais pourquoi tout ça? Oh, c'est pour mon petit frère, c'est lui qui va là-bas. Les casiers de prémices, les scores, dans ta maison. Mais ça, c'est quelque chose qui est impie. Amen. Amen. Écoutez, on a volé une vidéo quelque part. La police commence à mener des enquêtes. On est allé les soupçonner au commandant. On a vu ces vidéos-là dans la maison d'un tel. Allez seulement. Vous voyez au salon, première chambre à gauche, deuxième, troisième chambre à droite. Insistez seulement d'entrer. Ça y est là-bas, c'est vrai. C'est que tu dis, c'est vrai, commandant. On fait une feuille de route. On envoie les policiers. Allez, coco. Oui. Eh, bonjour. Bon, nous sommes en mission de service. On est en train de mener des enquêtes. Ouvrez un peu la porte ici. Oh, non, on ne va pas prendre quelque chose. Ouvrez seulement. Non, allez, ouvrez. Oh, autant, aïe. Cette carte, allez, autant. Aïe, ils ont des signes. Hein. Entre et là. On ouvre. Fais sortir cette prière. Le papa commence à trembler. Toi, tu es un volé. Non, moi, je ne vole. Depuis que je suis né, tu peux demander même dans le quartier. Tu es un volé. Écoutez. Il y a des gens qui ont fait la loi ici. Ces gens-là qui gardent des choses volées, on les appelle des receleurs. Quand on va arrêter le voleur, toi aussi on va t'arrêter. Amen. On va t'arrêter. C'est pourquoi, mon frère, ne gardez pas des choses impures dans votre maison. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Et la Bible dit, si Dieu ne protège la maison, tout ce qui protège, il faut être service. Comment l'ange de l'Éternel doit protéger la maison pendant qu'il y a des choses impies? Faites sortir tout. C'est pas que c'est parce que tu es mon petit frère, tu es mon oncle, tu es mon fils, que tu vas venir fuir ma maison. Non. Soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Amen. Amen. Amen. À ce moment-là, quand le Saint-Esprit vient, il se sent à l'aise dans la maison. Il va chasser tous les démons, tous les esprits qui viennent contrecarrer votre vie. Il est là parce que c'est Dieu qui nous protège. À ce moment-là, tu vas marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc il faut appliquez les signes dans votre maison. Amen. Amen. Dans certaines maisons, il y a un esprit encore qui dérange. Dans les maisons, la sœur, Dada, quand elle voit que le mari ne travaille plus, il y a de ces femmes-là, elles changent le comportement. Elles changent le langage. Oh non, dans cette maison, si moi je ne sors pas l'argent, on ne doit pas manger. Oh, si je suis fatigué, tu n'es pas encore fatigué. Le frère est en repos. Le frère ne travaille plus. Essaye un peu d'aider le frère. Ah, il a pris toute la famille, il a mené de l'autre. Et pourtant, il sait bien qu'il ne travaille plus. Maintenant, avec mon argent, moi aussi j'ai une famille. Et... Non. Mais quand le frère travaillait, tout était bien. La sœur était très gentille. Elle faisait tout. Mais comme le frère ne travaille plus, comme l'homme ne travaille plus, le temps change. Alors, je vais vous donner un exemple. Un maître maçon avec son élève Edmason, ils ont un marché, ils construisent une maison, ils ont construit la fondation. Maintenant ils commencent à l'élévation des murs. Ils voient un patron, vient maître. Vous savez, c'est vous qui avez construit la maison qui est au quartier 5 là-bas. Au croisement avant d'entrer avec la rue Ririza. Oui, j'ai besoin que vous me construisez une telle maison. Tu sais, je voudrais voyager à mission de service. J'ai acheté tous les matériels. J'ai 3000 dollars d'avance. Je veux que vous me faites cette maison-là. Je ne peux pas donner ça à un autre maçon. Je connais. Le maître dit, patron, attends un peu. Je vais voir mon élève. Jacques. Jacques, tu vois ce patron, il est venu Alikuya, afin que nous puissions construire la, sa maison comme ce qu'on a construit là-bas. Kule. Toi, tu as besoin d'argent. Ta femme doit mettre au monde. Il a dit, il a $3,000 d'avance. Et les matériels sont complets. Il veut aller en mission de service. Il veut qu'à partir de demain qu'on puisse dire. Si je te laisse ici, on a commencé à poser les coins pour élever la maçonnerie. Oh, maître, mais tu connais ma capacité. Allez, moi j'ai besoin d'avis, allez. Le maître laisse-le, lève. En train d'élever le mur. Il va faire l'implantation. Il commence là-bas. Le lendemain, le maître vient. Il se tient au coin. Il regarde. Il va là-bas. Il regarde. Oh, mon élève petit. Bon courage, allez de là-bas. Moi aussi là-bas, je travaille. Voilà ton argent. L'élève, l'aide de maçon prend l'avance. Maintenant, après quelques jours, la maison termine. On met un petit drapeau là-bas. Suivez maintenant. Les gens commencent à passer. Ces gens-là qui passent, qui voient, ils diront que cet élève, il connaît. C'est ce qu'ils vont dire. Qu'est-ce qu'ils diront? Ah, maître maçon, oyo. Avant d'anayer. En tout cas, yende mutawala kutonganda. La Bible dit, tout ce que nous faisons, que l'honneur revient à Jésus-Christ. Amen. Et tout ce que la femme fait, l'honneur revient à son mari. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une aide. Donc, ma sœur, là où tu es, tu es une aide pour secourir ton mari. À partir de cela, Dieu te bénira. C'est ce qui fait que tu mets la parole de Dieu en pratique. Et c'est ce qui fera que Dieu puisse agréer ta vie. Dieu puisse agréer ta marche. Ma sœur, vous êtes des aides. Amen. Amen. Ce n'est pas vous. Les sœurs, vous êtes des aides. Amen. Pour ceux qui sont mariés, vous êtes les aides de vos chefs. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez cette position. Toutes ces choses, ça va rentrer bientôt. Le Seigneur vient bientôt. Vous entendez tout ce qui se passe là-bas. Frère, si ces hommes de ces grandes puissances là, Frère Branham a dit, a donné cette prédiction. Si c'est déjà accompli, il ne reste qu'une seule. C'est l'embrasement des États-Unis. Et la Bible dit, la réussite, c'est un instrument de Dieu entre les mains de Dieu. Et le prophète l'a dit. La Russie va bombarder les États-Unis. Et au moment où nous parlons, il y a le Satan 2. Donc, plus rien, frère. La Bible dit, Jésus-Christ tarde à venir. Il vit que, il veut que tous reviennent à la repentance. Amen. Amen. Et toutes ces choses-là, c'est entre les mains de Dieu. Non, c'est entre les mains des hommes. Ces armes-là. Frère Bonham dit, il suffit seulement qu'un militaire puisse prendre le vin et quand il va aller puis là-bas, ça sera fini. Hier, quand je suivais les informations, on a dit les types, l'homme qui porte la mallette nucléaire russe. La mallette nucléaire. Il a été touché par une balle dans la tête. Donc, ils ont une mallette. Quand on ouvre, il suffit seulement de prier, ça sera fini. Frère Branham a dit, l'embrasement des États-Unis, États-Unis, avant que ça soit lié, Belefaniki, l'épouse doit aller à Russie. Frère, la troisième guerre mondiale est proche. Vita, c'est pourquoi nous devons hâter les choses. Éviter les distractions. Éviter les tiraillements. Mettez la parole de Dieu en pratique. Il n'y a plus de temps. Frère, il y a eu une première prédication le jour de la Pentecôte. C'est Pierre qui avait donné la première prédication. Il y aura encore une dernière prédication. On ne sait pas. Ça va se passer ici, à Likasi, à Kolwezi, à Luanda, Luanda, à Kinshasa, Kinshasa, à Krefeld, Krefeld, on ne sait pas. Atujui. Mais néanmoins, lakini ville, il y aura une dernière prédication. Prévanana a dit, quand le dernier Élie wa va accepter ce message, baptisé dans l'eau, umaji, fini la prédication. Malizika, fini. Ubiri. Amen. Amen. Quand nous prêchons maintenant, on est à la recherche de ce dernier Élie-là. C'est pourquoi évitez les distractions. Mettez la parole de Dieu en pratique. Mes frères, le temps est avancé. La venue du Seigneur est culminante. Vraiment, mes bien-aimés, Dieu nous a fait une grâce exceptionnelle. Vous voyez le monde, les dénominations. Ils se tiraillent là-bas. Ils sont là-bas. Mais ils ne savent pas qu'il y aura un enlèvement. Vous voyez, mais Dieu nous a fait la grâce pour connaître, comprendre le programme de Dieu. Et Frère Franck dit, nous sommes maintenant dans la dernière action de Dieu. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, yangu, dada yangu, soyez dans cette action, la dernière action de Dieu. Ya mwisho ya Mungu. Amen. Amen. Ne soyez pas distraits. Usilengame. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bwana abariki neno lake. Qu'il vous bénisse richement. Amibariki kabisa. Nous allons fermer nos yeux. Tutafunga macho. Bien aimés frères et sœurs, il est temps. Les gens disent, si on était au temps de Noé, on devait être dans l'arche. Si on était au temps de Moïse, on devait croire Moïse. On devait rejeter Corée. Si on était au temps de Jean-Baptiste, on devait accepter le baptême de repentance. Si on était au temps de Jésus, on devait marcher, on devait croire Jésus. Frère, les mêmes esprits qui ont animé à ce temps-là anime encore aujourd'hui. Nous, je l'ai toujours dit, si nous étions au temps de Noé, comme nous avons écrit ce message du temps de la fin, c'est la même parole. On allait croire le message de Noé. On allait croire le message de Moïse. On allait accepter marcher avec Jésus. C'est pourquoi nous avons écrit le message du temps de la fin aujourd'hui. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore pris l'engagement, ne commettez pas l'erreur que les jeunes hommes ont commise. Bien-aimés, frères et sœurs, ne commettez pas cette erreur. Jésus-Christ est avec nous. Yes, parce que Jésus a dit, là où deux ou trois se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est avec nous. Jésus est avec nous. C'est le temps. Ni wakati, venez. Kujeni, il vous appelle. Anamita, il a dit au jeune homme riche, va. Wende, vend tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Puis viens et suis-moi. Cette voix-là qui a dit, viens et suis-moi. Frère Baname dit, cette même voix, le jour du jugement, ça sera devant le jeune homme riche. Et il n'aura pas de pardon. Na tout ce que vous venez de écouter tout ce que vous avez entendu ici. Si tu es venu pour la première fois, le jour du jugement, tu vas encore l'attendre. Bien-aimés, frères et sœurs, vous qui êtes encore en Mésopotamie, vous qui êtes encore liés à votre tribu, à votre manière de vivre là au monde, sortez de la Mésopotamie, sortez de votre tribu, sortez, laissez toutes ces choses-là, venez à Jésus-Christ. Jésus vous appelle, c'est le temps. Si tu as été touché par la parole de Dieu et que vous voulez changer le temps, vous voulez changer le côté, quitter le monde pour venir dans le camp des saints, pour venir dans l'empire messianique. La porte est ouverte. Jésus t'attend. Venez, mon frère, manifester votre décision en élevant les doigts ou la main, vous qui n'avez pas encore été baptisés, pour qu'on puisse aller vous baptiser tout de suite. La Bible dit, quand vous entendez sa voix, n'en dire si ce n'est pas votre cœur. C'est l'unique occasion. Jésus t'appelle. Jésus est là. Il veut t'appeler. Il veut que tu marches avec lui pour abandonner le monde, pour venir dans le camp des saints, être vêtu de l'habit des noces, le seul. Être baptisé du Saint-Esprit. C'est le temps, mon frère. Ma soeur. Dada. Manifester. Onesha. Y a pas quelqu'un? Akuna komutu. Ça va? Zuri. Si tous qui sont là sont déjà baptisés, ils ont déjà pris l'engagement, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier tous pour la parole que nous faisons d'entendre. Le frère peut entonner un cantique là-bas. Yeah.